départ, révisé encore une fois de plus les particularités de l'une ou de l'autre, sauf que je vous ai dit qu'il y a des distributions particulières qui n'obéissent ni au caractère de l'un, ni au caractère de l'autre, c'est-à-dire que ce n'est pas les propriétés physico-chimiques des médicaments qui conditionnent, ni, tout simplement, les conditions de transfert, c'est-à-dire du mécanisme. D'accord ? Et on a commencé par un phénomène particulier, c'est la redistribution. Et je vous ai donné le mot-clé en vous disant qu'il y a une notion de temps de demi-vie. On a défini ce que c'est un temps de demi-vie. Il sert à juger de l'efficacité d'un traitement que vous aurez à donner. Et on avait dit qu'il faut attendre 5 à 7 temps de demi-vie, d'accord, pour atteindre le plateau. Mais qu'il y a également une relation étroite. Plus le temps de demi-vie, on est censé, plus le temps de demi-vie est long, plus le médicament est dans l'organisme, d'accord, plus le médicament est censé produire un effet. Ça, c'est la logique. Sauf que ce n'est pas toujours validé. Le phénomène de redistribution dit qu'on a un temps de demi-vie long, mais l'activité du médicament est courte, et bien tout simplement, vous êtes censé chaque fois répondre, quand il y a cette disproportion, quel que soit le médicament, c'est de dire que ce médicament est redistribué, c'est-à-dire qu'il ne reste pas longtemps au niveau du récepteur pour aller ailleurs. Parce que il est censé, s'il est sur un récepteur, il va produire un effet. Mais son effet est court. Cela signifie qu'il ne reste pas. Donc il va ailleurs, il a été distribué la première fois pour produire un effet, mais il ne reste pas longtemps. Donc il y a un autre élément qui intervient, qui fait que ce médicament quitte le compartiment 1 pour aller dans un compartiment X. D'accord ? Mais on est censé, vous avez deux cas de figure, le compartiment X sur lequel il se distribue, soit il n'y a pas d'effet, parce que, comme dans ce cas, le tissu adipeux est dépourvu de récepteurs, il n'y a pas d'effet, mais il se pourrait qu'il puisse se retrouver dans un autre site, produisant plutôt des effets secondaires. D'accord ? Alors le phénomène de redistribution. La deuxième distribution particulière, la distribution chez l'obèse. Ben vous avez noté le phénomène de redistribution. En fait, on vous met la distribution chez l'obèse. Pourquoi la distribution chez l'obèse? Vous suivez avant de prendre note. Généralement, qu'est-ce qui se passe? À 90%, la posologie est adaptée en fonction du poids. Généralement, on le fait beaucoup plus chez l'enfant que chez l'adulte. D'accord? Parce qu'on considère, quand on fait une thérapie chez un adulte, en fonction de l'âge, il est censé avoir un poids moyen en fonction de sa taille, d'accord ? On appelle l'IMC, donc d'avoir entre 60 et 80 kilos, donc généralement 60 à 65 chez la femme, et de 75, on veut dire 70 à 80 chez l'homme. Alors quelqu'un qui fait à peu près 1,80 m, d'accord ? Ça, c'est un calcul élémentaire dans une population donnée. Mais qu'est-ce qui se passe, en fin de compte, chez l'obèse? Si on donne des posologies, regardez, en supposant, bien, on va faire comme toujours, je donne une posologie établie à 1 mg par kilo, c'est un sujet qui fait 70 kg, d'accord? On aura 70 mg par jour. D'accord ? En supposant que le, je vais dire une aberration, que le comprimé est dosé à 35 mg, on va dire qu'il prend 2 comprimés par jour. Si la dose aussi, la dose est de 35 mg. Donc c'est 35 et 37, ça fait 70. Ça fait donc 70 mg, c'est 2 comprimés par jour. On prend le cas, ça c'est le cas 1, le cas 2, l'inverse. Un obèse. Toujours la même posologie, chaque obèse, il faut peser combien ? 100 et quelques. 100 on va dire tout. Ça dépend de sa taille. Laquelle vous voyez quelqu'un qui fait 1m55 et 100 kg, c'est bien obèse. Si quelqu'un qui fait 1m90 ou 92, il fait 100 kg, c'est pas un obèse. On va mettre à peu près. On va mettre 120, pas 130. 130. 120, allez, c'est 120. Cela signifie qu'il va avoir 120 mg par jour, en divisant par 35, à peu près 4 comprimés. Hein? 3. 3 comprimés par jour. On va pas faire les calculs difficiles. D'accord ? 3 comprimés par jour. Si je fais la différence entre les deux, c'est que j'ai un comprimé en plus. C'est-à-dire que j'ai l'équivalent de 37 mg par jour, en plus, chaque jour. On est bien d'accord sur le calcul ? Bon, qu'est-ce qui se passe au moment de calcul ? Là, j'ai calculé une posologie en fonction du poids. Donc, je n'ai rien inventé. Si je dois donner 3 comprimés pour l'un, hein, j'ai donné 2 comprimés pour l'autre. La différence entre les deux malades pour la même posologie, si j'ai tenu compte du poids, c'est que j'ai administré, si moi je donne un comprimé le matin et un comprimé le soir pour l'un, l'autre devrait avoir un comprimé matin, le matin, midi, un soir. Comprimé à midi et un comprimé le soir. C'est-à-dire que le comprimé du midi est en plus, c'est l'équivalent d'une dose journalière, c'est de 35 mg. En fin de compte, qu'est-ce qui se passe chez l'obèse avec cette pathologie, avec cette dose en plus? Qu'est-ce qui se passe? Un petit stylo pour écrire. Qu'est-ce qui se passe? Si on parle de compartiment, on est là en train de parler de compartiment. Chez un sujet normal. J'ai le compartiment plasmatique, quand j'administre mon médicament, ce médicament se distribue dans le compartiment plasmatique, et là, il y a un état d'équilibre avec le compartiment tissulaire. D'accord ? Quelle est la différence entre les deux ? L'augmentation du compartiment, qui est beaucoup plus, c'est le tissu. Au lieu d'avoir un équilibre entre les deux compartiments, là j'aurai un équilibre qui va se faire avec 3 compartiments. Donc la distribution n'est pas bicompartimentale, elle est tricompartimentale. Donc elle va se faire dans ce sens et elle est obligée de se faire dans ce sens. Maintenant, vous avez compris ça. Non. C'est une suite logique. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si je donne un traitement de la sorte chez un obèse? Je vais lui donner la posologie. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir donc une distribution. Je le compare toujours au sujet normal. Très bien. Et ça, c'est une histoire de temps. Il y aura beaucoup plus de temps pour que... Très bien, pour que l'effet apparaisse. Pourquoi? Parce que l'équilibre ne sera pas atteint rapidement chez l'obèse, parce qu'il faudrait un équilibre entre le compartiment plasmatique et le compartiment tissulaire, mais entre le compartiment tissulaire et le tissu adipeux, tout en sachant que chez l'obèse, le tissu adipeux est inerte. Donc on ne va pas avoir l'effet, ça va être un stockage. Un stockage qui va se faire, contrairement chez le malade 1, l'effet va apparaître plus rapidement parce que l'équilibre sera atteint plus rapidement. On est bien d'accord. Mais est-ce que, on a dit le premier mot, l'effet va mettre beaucoup de temps pour apparaître. Mais est-ce que ceci est valable dans tous les, pour tous les médicaments? Pour les médicaments lipo, très bien. Pour les médicaments plutôt liposolubles, parce que ces médicaments, on revient à la redistribution, ce sont des médicaments qui ont la particularité de se stocker au niveau du tissu adipeux. Mais si, maintenant je fais marche arrière, mais si ce médicament était hydrosoluble, qu'est-ce qui va se passer? Surdosage. C'est pas un surdosage, c'est une surcharge. C'est la concentration plasmatique. Va augmenter. Parce qu'il va y avoir un équilibre, d'accord? Mais à ce niveau-là, le médicament ne va pas diffuser, il est hydrosoluble. Donc, à ce niveau, la diffusion serait très limitée. Le médicament va se retrouver où? Plasma. Plasmatique, et vous aurez vu. D'où la nécessité, il est dit, qu'il est chez l'obèse, il est préférable. Quand on donne des posologies, eh bien, il faut donner en fonction du poids idéal et non en fonction du poids réel. C'est-à-dire de tenir compte de la taille et de la surface. Tout ce que vous aurez à donner en plus va poser plus de problèmes et d'échecs thérapeutiques que d'indications thérapeutiques. Et de surplus, chez l'obèse, je reviens à la redistribution. Quand le médicament va être stocké, chez l'obèse, il y a un problème. Lequel? Avec le compartiment adipeux. Soit il augmente, soit il diminue. Surtout si c'est un sujet qui fait des régimes. Soit la masse augmente, soit la masse diminue. Si la masse augmente, le stockage va augmenter. Si la masse diminue, qu'est-ce qui va se passer? Très bien, le terme c'est relargage. Tout ce qui était stocké sous forme inactive va se trouver dans le compartiment plasmatique sous forme active. Et on parlera même dans ce cas de surcharge. C'est pour cela qu'il faut faire très attention quand on traite un obèse et qu'on ne lui pose pas la question, parce que c'est des choses qui ne sont jamais posées par un médecin, d'accord? Et parfois, parce qu'il ne les pose pas, ou là parce que tellement le patient ne répond pas à cette question, il commence à faire un régime, tout seul, parce qu'il sent qu'il est obèse, d'accord? Surtout chez les femmes. Elle décrète de faire un régime draconien et automatiquement si elle est sous traitement, surtout avec mon cas d'hypertension, on va avoir tout ce qui est stocké, va être libéré et on va avoir des épisodes d'hypotension. Pourquoi? Parce que la concentration du médicament est plus importante sur le plan d'efficacité. On aura des hypotensions plus soi-même des effets secondaires exagérés. On aura moins ce genre de problème si on avait donné le médicament selon une dose. Il va y avoir un relargage, mais il sera minime. On est bien d'accord? C'est clair? Donc vous notez, chez l'obèse, la posologie doit être établie toujours, elle doit être établie toujours en fonction du poids idéal. Elle doit être toujours établie en fonction du poids idéal et non du poids réel. Afin d'éviter quoi? Les phénomènes de surcharge, afin d'éviter les phénomènes de surcharge, surtout, je résume ce que j'ai dit, surtout avec les molécules hydro, surcharge. Des surcharges, parce qu'elles se stockent. Elles se stockent en mode avec. Bon. Notez, je vais réexpliquer. Surtout donc avec les molécules qui sont liposolubles. Là, c'est un phénomène de surcharge qui est indirect. Le médicament, vous l'avez donné, l'effet ne va pas apparaître, d'accord? Il va se stocker, et par la suite, en cas de truc, vous allez avoir, quand on dit le terme relargage, cela signifie tout simplement que le médicament s'est stocké. S'il est stocké, c'est que le médicament est liposoluble. Si je ne parle pas de relargage, que le médicament est hydro, le médicament ne s'est pas stocké pour être relargué. Il se retrouve directement dans le compartiment plasmatique. Relargué, cela signifie tout simplement que le médicament a été stocké, et s'il a été stocké dans un tissu, c'est qu'il est hydrosoluble. Un médicament hydrosoluble ne peut pas être logique. D'autres questions ? Monsieur, plus précisément, on avait dit, par surcharge, c'était lié à l'interférence de médicaments. Et monsieur, pourtant. Votre camarade dit que la surcharge est la conséquence d'une interaction. La surcharge peut avoir plusieurs. Là, on fonctionne. Je dis que soit c'est une interaction médicamenteuse ou des interactions avec des molécules endogènes. Là, la même, c'est un autre cas de figure. La surcharge est due. Vous avez mis le médicament sous forme de réserve, vous avez un équilibre en concentration plasmatique, et pour une raison ou une autre, en propre, par exemple dans le cas d'un régime, c'est physiologique. Le médicament qui est stocké sous forme inerte va être relargué. Donc vous avez 10 molécules qui étaient cachées, les 10 molécules se retrouvent libres, vous avez augmenté la concentration plasmatique. Ce n'est pas un apport, c'est ce qui était caché se retrouve. Donc c'est un phénomène de surcharge. La surcharge est l'augmentation de la concentration plasmatique du médicament. Le surdosage est l'augmentation de la quantité du médicament ingéré. D'accord ? C'est un dosage. Surcharge, c'est une concentration. C'est différent. On vient d'accord ? Oui ? Hein ? Relarguer quelque chose, c'est de fixer, de tenir pendant un moment, et puis de laisser repartir une deuxième fois. Le médicament a été stocké, d'accord, dans un réservoir. Il est ici à côté. D'accord. Vous avez, je donne toujours l'exemple plus simple, dans la maison, dans un réservoir. D'accord. Vous stockez votre réservoir, vous stockez de l'eau en quantification du médicament dans un réservoir. S'il n'y a plus de l'eau courante, bah, vous ouvrez le réservoir. Donc, pour relarguer l'eau qui a été stockée, voilà. C'est un élément qui a été emprisonné, stocké pendant une période, et qu'il va, repartir d'un compartiment à un autre dans le sens inverse. Au départ, c'était plasma, tissu, ben, il va passer tissu, plasma. Là, c'est une distribution. S'il est là, on ne peut pas dire que le médicament est stocké dans un compartiment de chasse. C'est faux. S'il est stocké, c'est dans un compartiment tissu. Quand je parle, je suis tissulaire. S'il quitte le compartiment tissulaire pour se retrouver dans le compartiment plasmatique, on dit qu'il est relargué. On prend notre terme repose. C'est pour cela, pardon, je vous donne, je vous prends l'exemple. L'exemple de l'obèse et de l'anesthésie. Vous allez constater, gardez cette image en tête. Et vous aurez, Inch'Allah, ici, l'internat, vos stages, ça va se passer vite, vous allez voir. Ça se passe tellement vite que vous disiez, ah, ça sera la troisième, elle est arrivée, ça sera la troisième, la quatrième, la cinquième, et Inch'Allah. Sauf que maintenant, essayez de voir, quand vous êtes en stage, surtout en chirurgie, et bien, vous allez voir que, en post-op, quand il s'agit d'un sujet qui est négligent, quand il est nègre, il a été opéré, il se réveille plus facilement. Le médicament se réveille plus facilement. Pourquoi il se réveille plus facilement ? Parce que le médicament de Tioplintal, qui est un médicament liposoluble, ne trouve pas un lieu de stockage. Donc automatiquement, il est éliminé et au fur et à mesure qu'il a la levée de l'anesthésie, il se réveille plus facilement. Si vous avez un obèse, l'obèse se réveille toujours mal. Avec des maux de tête, des vomissements. Donc, pourquoi ? Parce que le médicament se stocke en quantité. En fait, il commence à se relarguer. Mais quand il se relarque, je vous ai expliqué, il ne va pas atteindre les récepteurs primaires il va se fixer plutôt sur les récepteurs secondaires. Et vous verrez que les effets secondaires sont beaucoup plus durables chez l'obèse que chez le mec. D'accord ? Le relargage est systématique pour dans deux cas de figure. Soit que le sujet diminue sa réserve en faisant du sport, en faisant un régime, d'accord ? Soit que maintenant, il y a un déséquilibre, parce qu'il y a toujours, je vous ai dit, la loi d'équilibre et de masse, on vous a dit, si maintenant le compartiment plasmatique commence à diminuer, il y a un relargage. D'accord ? Dans les deux sens. Je vais dire une phrase, parce qu'on le verra en dents et en large, quand on fera médicaments et grossesse, distribution particulière, c'est la distribution de la barrière placentaire. Donc, distribution placentaire. Quand vous avez mis kilomètre de redistribution, vous avez mis distribution chez l'OBS, donc la distribution mère-enfant. Distribution mère-enfant. Est-ce que vous allez me dire quelle est la particularité de cette distribution ? Est-ce que c'est une distribution qui est sélective, pas réversible, pas homogène, hétérogène ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je veux une phrase. Hein ? Est-ce qu'elle est sélective, la première ? Elle est directe. Hein ? Elle est directe. Elle est directe. Est-ce que la barrière placentaire ? Est-ce qu'elle est... C'est une barrière. Est-ce qu'elle a... Elle est sélective. Et si elle est sélective, qui conditionne cette sélection ? Oui. Non. Si c'est oui, qu'est-ce qui conditionne ? Qui a dit oui ? Oui. La taille des molécules. Vous êtes d'accord ? Oui. Hein ? Non. Je suis d'accord avec elle, mais je ne suis pas d'accord avec elle. Ça dépend de quoi ? Oui. Mais j'avais dit initialement que tous les médicaments sont de petite taille. La majorité des médicaments sont de petite taille. D'accord ? Vous vous rappelez quand on avait parlé de ça ? Je vous ai demandé de ne pas oublier les mécanismes de passage. Entre autres, la filtration. Quand j'ai la filtration, j'ai dit que la majorité... Est-ce que tous les médicaments étaient très grands ? On avait dit oui, non. Moi, je vous ai expliqué que seuls les médicaments sous forme libre. Pourquoi ? Parce que les médicaments sont de petite taille, donc avec la particularité, la majorité de passage. On est censé parler de deux mots. Sélectivité. Une molécule, pour qu'elle traverse une barrière, il faudrait qu'elle soit liposoluble. Tout simplement, gardez des mots-clés. Là, il n'y a pas. Qu'elle soit lipo, hydro, elle passe. Il n'y a pas cette condition. Il y a une condition de poids. sauf que la majorité des médicaments sont dans bas poids moléculaire. Ce qui va peut-être limiter, c'est la forme. Mais est-ce que c'est vrai, le poids moléculaire intervient, mais très peu. La majorité traverse. C'est pour cela qu'il y a des médicaments, quand on fera médicaments et process, il y a des médicaments qui sont proscrits au premier trimestre, parce qu'ils ont un impact sur le développement primaire embryonnaire. Il y a des médicaments qui sont proscrits au dernier trimestre dans le développement du cerveau, d'accord, parce qu'il devient un effet tératogène, il est responsable de malformation, d'accord. Et il y a des médicaments qui sont proscrits pendant toute la durée de la grossesse. Pourquoi ? Parce qu'ils traversent facilement. Donc, ce que vous êtes censé noter, c'est que tout médicament traverse. Donc, vous notez tout simplement que la barrière n'est pas sélective, tout simplement. La barrière n'est pas sélective, tout passe. Hydro, lipo, mais retenez ce qu'a dit votre camarade, qui n'est pas fausse, la réponse. Faites attention à la question que je vous donne. Il nous reste une, je suis à vous, un passage particulier. Je suis avec vos camarades qui avaient l'air. Ils ont gagné le cardio et font la neuro. Elle voit monsieur la neuro, elle est difficile. Je dis que c'est ça, c'est le système nerveux. Et le système nerveux est complexe. Et heureusement, pourquoi ? Qu'on est commandé par quelque chose de complexe. Et c'est pour cela que l'être humain est complexe. D'accord ? Et là, la même chose, vous allez voir donc en dernier, c'est la distribution au niveau du système nerveux central. Donc, dernière distribution particulière, distribution au niveau du système nerveux central. Distribution au niveau du système nerveux central. SNC. On en parlera, mais dans un chapitre autre, quand on fera la dernière phase cinétique, c'est l'élimination. D'accord ? À ce moment-là, c'est le médicament qui sera éliminé, d'accord ? Par les glandes mammaires, on appelle l'élimination lactée. À ce moment-là, c'est plus in utero, c'est extra. Mais ça ne fera pas finalement. Il y a beaucoup de mères en France qui ont certains médicaments. Ils seraient donc obligés de faire le choix, soit de dire à la maman de ne pas allaiter, parce que le médicament est indispensable pour la maman, à ce moment-là, qui peut être nocif pour l'enfant. Sinon, vous pouvez changer de thérapeutique, parce que l'allaitement est indispensable. D'accord ? C'est un choix. Oui ? Ils ont un effet au niveau. L'héparine, on la donne chez les malades. Ça nous intéresse, on l'a donne pour le malade, pas pour le bébé. Alors, c'est le problème qui se pose, qu'on a cité. C'est pas parce qu'on veut traiter le fœtus. Alors, donc, on traite la maman, mais il y a un risque de passage du médicament de la maman au fœtus, au bébé, et qui peut être dangereux, qui peut arrêter le développement, qui peut donner des génotoxiques. Qui peut donner des effets thératogènes, etc. C'est un choix. Il y a des médicaments, quand la vie de la maman est importante, on se fait une interruption de grossesse. Il y a des mères épileptiques qui font donc un état de grossesse, et puis on choisit. Si on peut changer et donner des médicaments qui n'ont pas d'impact fœtal, donc on donne à maman et la grossesse est poursuivie et suivie sur le plan aussi bien clinique que thérapeutique. Mais si c'est une molécule de référence et que si on doit changer de médicament et que pendant la grossesse, la maman va convulser, les convulsions vont se répercuter sur l'enfant. Sur le fœtus, c'est-à-dire qu'on n'a rien gagné, ni l'un, ni l'autre. C'est un choix. Qu'est-ce que vous pensez de la distribution au niveau du système nerveux central ? Sûrement. Sélective. Voilà, le mot-clé, sûrement. Heureusement, vous n'avez pas dit normal. Elle est sûrement sélective. Oui, elle est sélective. Elle est conditionnée par quoi? Qu'est-ce qui fait que... La taille. La barrière hématoménagique. Quelle est sa particularité? Elle est très peu perméable. Très peu. Pourquoi? Elle est chargée. Les molécules chargées ne peuvent pas. Il y a peu de pans. Très bien. Il y a très peu de pans. Enfin, elle est presque dépourvue de pans. Pas enfin, les pans, les échanges. Ça, c'est pas. Et elle devient très sélective pour ça. Et autre élément qui intervient, qui fait que sa distribution soit hétérogène, non sélective. C'est un problème de structure et un problème de... Vous le savez, on en a parlé. Quand on a dit la distribution tissulaire. On avait dit la distribution... Et à ce moment-là, quand on parle de vascularisation, on parle de... Oui, le débit. Le débit de perfusion est totalement différent entre le sang, les cellules cérébrales et le LCR. La modification de débit, ou cette différence de débit, fait que la distribution soit totalement hétérogène. Il y a la barrière et il y a la différence de débit. Quand vous passez d'un grand débit à un petit débit, automatiquement la distribution devient hétérogène. Donc vous notez la distribution au niveau du système nerveux central. Vous notez qu'elle est hétérogène. C'est une distribution hétérogène. Distribution hétérogène, car la structure des cellules endothéliales est composée de cellules jointives dépourvues de pores. De cellules jointives dépourvues de pores. P-O-R-E-S. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le débit de perfusion de cet organe est variable. Du sang vers la CR est variable. Du sang vers la CR, du sang vers les cellules cérébrales, non, peut-être un petit peu là, sang. Cellules cérébrales, LCR, vous faites tout beau. Le FIDA, les variabilités, si on va d'un côté ou de l'autre. Donc du sang vers le LCR, du sang vers les cellules cérébrales et des cellules cérébrales vers le LCR. Donc il y a une variabilité entre ces trois compartiments. Du sang vers le LCR, du sang vers les cellules cérébrales et les cellules cérébrales vers le LCR. Quelle est la condition? Il y a une condition qui puisse bloquer le passage de certains médicaments au niveau du système nerveux central. C'est-à-dire les médicaments hydrosolubles n'ont pas cette particularité. Les médicaments hydrosolubles ne peuvent en aucun cas atteindre le système nerveux central. D'accord ? En aucun cas. Il n'y a que des cellules qui ont un caractère liposoluble. On passe à la dernière phase cinétique. Après l'absorption, la distribution, le médicament a été absorbé par le voie, on a vu les critères. Il a été distribué dans le sang et dans le tissu, on a vu les critères. Maintenant, ce médicament va ressortir. D'accord ? Donc, c'est la phase d'élimination. Si vous vous rappelez tout à l'heure, quoi, les cours précédents, quand j'avais fait le schéma, j'avais dit que c'est des compartiments inverses. Quand on parle d'absorption, d'accord, c'est carrément de la circulation vers les organes. Maintenant, l'élimination, c'est l'inverse. Ça doit passer d'un organe vers la circulation. Pourquoi on fait ce schéma? Vous allez dire, monsieur, mais si le médicament doit être éliminé, parce qu'on va parler, quel est l'organe par excellence d'élimination? Le rein. Le rein. Le rein, l'organe. Mais d'accord, il faut qu'il soit éliminé par un organe. Sauf que sur le plan de définition, vous allez voir que c'est carrément différent. En pharmacologie, la définition est la suivante. Que toute étape, on ne parle pas d'organe, toute étape, tout processus qui contribue à faire disparaître un médicament, soit en totalité ou en majorité, d'accord ? Pas spécialement, on a un grand pourcentage, quel que soit ce processus ou ce mécanisme, eh ben, il y a des phénomènes. C'est ça la définition de l'élimination. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on veut juger, en d'autres termes, si je veux juger que mon médicament est éliminé, je dois faire quoi ? Concentration. Plasmatique. Si je vois que ma concentration va plus trop, il y a une phase ascendante, absorption, distribution, j'atteins le Cmax, en bas j'ai un processus d'élimination, de métabolisation et d'élimination, c'est-à-dire que ma concentration va diminuer jusqu'à la disparition. Et bien, si ma concentration, quand j'ai une concentration, c'est dans le sang. Si je trouve que mon médicament est toujours dans le sang, cela signifie tout simplement que mon médicament est toujours quelque part. Parce que je ne peux en aucun cas doser un médicament dans certains organes, dans tous les organes, à commencer par le cœur, au niveau de l'os ou au niveau du système nerveux central. Comme j'ai répondu à votre camarade tout à l'heure, il y a la loi d'équilibre. Si mon processus permet de me nettoyer le compartiment plasmatique, je fais le compartiment tissulaire, il va, voilà, il va, voilà. Si j'avais au départ 20, d'accord, pour maintenir les équilibres, je vais avoir 10. Quand les 10 vont disparaître, je vais avoir 5. On va faire une ligne de vie jusqu'à la disparition totale. Donc, si je dois juger que mon médicament ou autre soit éliminé, c'est, je le juge dans le compartiment plastique sanguin et dans mon compartiment sanguin. C'est pour ça que la définition, et vous la notez, donc, vous mettez en compte la définition. Donc, toutes les étapes qui contribuent à la disparition, en totalité, c'est rare, mais en majorité, c'est vrai, j'insiste. Vous soulignez totalité, majorité. Parce que vous verrez, si mon médicament est éliminé de façon équivalente, et bien ce processus n'est pas considéré comme un processus d'élimination. Cela veut dire quoi quand je veux juger? C'est-à-dire que si je mettais des mécanismes, je vais dire que mon médicament est subi quel mécanisme? La dégradation est une forme d'élimination. Ce processus, c'est vrai. Il faudrait que mon mécanisme subisse également quel autre mécanisme. Votre but passif. Parce que si le mécanisme est passif, on peut parler d'élimination. Si mon médicament suit un mode de transfert passif, on a le droit de dire qu'on a un phénomène d'élimination. Non. Parce que il suit un gradient de... Si l'élimination se fait, il faudrait que le mécanisme soit... Il faut qu'il passe contre un gradient de concentration. Il faut qu'il quitte de façon inverse l'organe pour se retrouver dans le centre. Là, il diminue. Mais quand il est passif, dès qu'il y a un état d'équilibre, ça s'arrête. Donc c'est pas réellement... Vous avez noté ce qu'il y a sur la tranche ? Non. Tout phénomène, tout état qui contribue à la disparition en totalité ou partiellement du principe actif de la circulation générale correspond, est appelé phénomène d'élimination. Total ou partiel ? Non, total ou partiel. Je préfère que vous mettez en majorité. D'accord ? Parce que partiel, si je dis 50%, 50%, c'est partiel. D'accord ? Donc je préfère dire en totalité ou en majorité. Majorité, ça veut dire 90% et ça, donc c'est bon. Organe par excellence, l'élimination, c'est le rein. Donc on parlera d'élimination rénale ou élimination urinaire. Vous ne notez pas ce qu'il y a sur la planche parce que c'est un résumé grossier. Au niveau du rein, un médicament est censé suivre trois étapes. Soit une des étapes, soit les trois étapes, les deux principales étapes. Le médicament peut être filtré. D'accord ? La filtration, glomérulaire. On est bien d'accord sur ça ? Il est filtré. Et pour être filtré, il faut qu'il soit. Hydrosoluble, il y a un fond de hydrosoluble, il faut qu'il soit. D'accord ? Ça, c'est une des conditions, on ne va pas revenir sur des populations qui ont une grosse taille. On va dire bien, hein, on va parler des 97% du cas et pas des 1%. D'accord ? On va dire que le médicament est censé être digne et doté de caractère hydrosoluble pour être utilisé. Un médicament pourra être éliminé s'il est extrait. Eh bien, c'est une sécrétion. Et la sécrétion est un mécanisme qui est actif, oui. Et qui dit mécanisme actif dit. Dit quoi ? L'énergie. Non. Non, je veux le mot. Non, c'est pas faux ce que vous dites. Il y a un mot qui vient après. Consomme de l'énergie. Et qui dit transporteur ? L'énergie. Consommation d'énergie. C'est pas faux tout ça. Très bien, merci beaucoup, c'est électif. Je vous ai peut-être très bien voir que j'ai dit tout à l'heure. Ah, c'est pas là. Il est équilibre, dissélection. Donc, on doit être droit. Dites tout ce qui est les molécules, qui a des médicaments. Donc, il y a une compétition. Celui qui a plus d'affinité en revient. Qui dit sélection dit transporteur. Ça, c'est les mots qui viennent. Donc, il y a une sélection. Ce n'est pas tous les médicaments qui subissent un transport actif parce qu'il faudrait qu'il y ait une affinité. Maintenant, le mécanisme, le reste va venir. S'il passe contre un gradient de concentration, il faut de l'énergie. D'accord ? Ça, il fait une nouvelle mouche. Mais le médicament peut subir un autre mécanisme. Là, la réabsorption. Est-ce qu'on considère que la réabsorption est un phénomène d'élimination ? Non. Non. C'est très clair. Ce médicament va revenir sur le mécanisme. Et la réabsorption est un mécanisme passif. Passif. Donc il faudrait que la molécule soit. Elle dispose de caractère liposoluble puisqu'elle est sous quelle juste forme. Oui. Non, on ne peut pas. Si elle a été filtrée, elle est libre. pas se lie à quoi? Non, elle n'est pas une non. Qu'elle subisse une réabsorption. À partir de libre maintenant, classe, ce premier caractère a été déjà, c'est une des conditions sine qua non. Elle ne peut pas être, elle se retrouver si elle n'a pas été libre dans le départ, pour être filtrée. Et même dans le cas de la sécrétion, c'est la même chose. Une molécule sécrète bien, effectivement, il faudrait qu'elle soit libre. Si elle est liée à une protéine, elle ne sera pas filtrée, elle ne sera pas sécrétée, elle ne va pas se fixer. Donc, doublement à une protéine de transport, et pour une protéine également, une autre protéine de transport. Dans laquelle est fixée sur l'albumine, on va la se fixer sur une protéine de transport pour passer contre un gradient. Ça, ça n'existe pas. Il faudrait qu'elle soit sous forme libre. On n'en parle pas, mais dans la diffusion, rappelez-vous, j'ai dit ces mécanismes, il ne faut pas les oublier. J'ai dit que vous les avez vus en vision, mais ils régissent les conditions. Non, justement, c'est l'inverse. Sous forme non. Ionisé, parce qu'une molécule ionisée ne traverse pas et pour lesquelles elle ait un caractère liposoluble et sous forme non ionisée. Maintenant, je vais mettre une question. Tu as chez l'IHM acide ou alcalin? Acide. Donc, les molécules qui ont la probabilité d'être réabsorbées. Les molécules qui peuvent être réabsorbées sur les molécules acides. Médicaments acides dans un pH acide ne peut être que sous forme moléculaire et qu'elle dispose de groupements liposolubles. Et la vitesse d'élimination à ce moment-là, est-ce qu'elle est proportionnelle ou inversement proportionnelle à la vitesse de réabsorption? Dès qu'on vous pose une question comme ça, là, pourquoi vous avez répondu inversement proportionnel. Plus le médicament est... J'ai changé les termes. Alors vous avez répondu. Plus elle est réabsorbée, moins elle est éliminée. Donc automatiquement, c'est inverse. Pourquoi vous avez proportionnel? Plus elle est réabsorbée, plus la quantité éliminée est préférée. Et généralement, les médicaments à caractère acide sont moins éliminés par rapport aux médicaments à cas, quand ils subissent un mode de diffusion facile. Et c'est pour cela qu'on, avant de noter tout ce qu'on a dit, c'est pour cela qu'on peut entrer dans le cas des intoxications, sur le service de réanimation. Quand on connaît le type de molécule que l'intoxiqué a créé, on fait ce qu'on appelle une diurèse orsée. Si on sait que le médicament est acide, qu'est-ce qu'on fait pour éviter que la molécule ne soit pas réabsorbée? Qu'est-ce qu'on donne aux malades? Diurétique. Beaucoup d'eau. C'est pas beau. Allez. Les diurétiques. Ah non, on parle. Oui, c'est pas beau. Mais il risque, ce médicament risque d'être réabsorbé. Qu'est-ce qu'on donne? Des données, on va les... On donne. C'est pas tout ce qu'elle a dit. Elle donne un médicament basique. Non, mais vous ne donnez pas du médicament basique. Vous donnez au mieux de donner, comme a dit votre camarade, c'est vrai qu'on le donne. On donne du lasilix pour favoriser la clairance. Non, rien du bicarbonate. C'est moi bicarbonate pour alcaliniser. En alcalinisant les urines, qu'est-ce qu'on fait? La molécule va se sioniser. De ce fait, qu'est-ce qu'on fait? On a augmenté le débit et on a cassé la réabsorption. Et l'inverse, c'est vrai. Donc, c'est ce qu'on appelle un traitement, en cas d'intoxication, un traitement écurateur. On est dur en favorisant l'élimination à condition quand on connaît le type de molécule, acide ou alcalique. Quand on ne connaît pas, souvent, ce qu'on fait, on donne une diurèse neutre. On neutralise pour enfin, au moins éliminer ce que c'est venu. Beaucoup de choses avec trois mots. Est-ce que vous avez compris l'élimination urinaire? Donc vous notez que l'élimination urinaire est la conséquence de trois étapes. La L'agitation. L'agitation. Vous pouvez le noter sur l'agitation. Vous voulez que le molécule soit hydrosoluble et libre. Oui. Sécrétion, même un médicament sécrété peut être réabsorbé. Alors, par la réabsorption, qui va être, on va l'appeler, Il n'y a qu'un trait là, il y a des gros sourires. Je l'ai dit, gros sourires. La sécrétion, il peut y avoir des gros sourires. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est simple. L'hypo, ça reste l'hypo. Alors, j'ai donné la particularité que vos deux camarades en français, il est hydro, on parle d'une hyposolubilité. J'avais dit, vous vous rappelez, dans une molécule, il y a des groupements. Vous vous rappelez ? Il y a des OH, il y a des non-OH. Une molécule qui ne dispose pas, quand j'ai parlé, de transfert en granulaire, d'accord ? Plus la molécule a des groupements OH, d'accord ? Moins elle traversera les membranes. D'accord ? On est bien d'accord ? Moins elle traversera, mais elle peut disposer de groupements lipophiles. Si la molécule ne dispose que des OH, elle sera filtrée, mais elle ne va jamais être absorbée. C'est comme les sucres. On est bien d'accord ? Mais si vous prenez certaines molécules en acide urique, je parle de molécules endogènes, il a la particularité d'être filtré et il peut être réabsorbé. D'accord ? Maintenant, il faut faire attention, cette molécule peut, et j'ai dit qu'il y a des molécules qu'on appelle comme les acides aminés en protéines, qui disposent aussi bien de groupements OH que de, aussi bien de groupements polaires que de groupements apolaires. Vous vous rappelez ? Et c'est pour ça que cette particularité est vraie et plus pour l'autre. Si je prends les extrêmes, c'est qu'il y a une molécule qui ne dispose d'aucun groupement OH, elle ne pourra jamais, au grand jamais, être. D'accord ? Ça va. Elle peut être sécrétée. Elle peut subir une sécrétion tubulaire, elle peut être. Suffisant, mais, monsieur, en sécrétion, pour éliminer toutes les molécules hydrosolubles. La sécrétion est un des caractères, il y a une compétition, mais c'est un mécanisme qui est. Si tous les mots-clés, c'est un mécanisme qui est. Saturable. Quel que soit, parce qu'il y a besoin de transporteurs, c'est un mécanisme qui est saturable. Vous pouvez en aucun cas éliminer tous les médicaments par sécrétion tubulaire. J'ai répondu à vos questions ? C'est bon ? Un minimum, plus vous avez. Il y a des molécules qui sont hydrosolubles, peu hydrosolubles, d'accord ? Très hydrosolubles. Cela signifie que plus vous avez des OH, plus la solubilité des deux très solubilité augmente. D'accord ? Pardon ? Oui, bien sûr. Des groupements. Hydrosolubles permettent de solubiliser cette molécule dans le milieu aqueux ou urinaire. D'accord ? On m'avait posé cette question, et je vous demande, s'il vous plaît, quand vous aurez à lire vos cours, parce que maintenant, c'est vrai qu'on se rappelle, mais avec le temps, on oublie. Et vous avez une année qui. Je vais employer le mot exact. En même temps. Parce que, oui, il faut appeler le chat par son nom. Chat. D'accord, on ne va pas appeler un chat un chien. C'est pourquoi elle est comme ça, parce que maintenant, l'amphibie, là, on pose des questions. Donc, ben, dès que vous allez commencer à faire les contrôles, ça va se parasiter, pas de problème, et ça va être une série de contrôles. Et quand vous n'êtes pas un jour, vous allez faire la semaine des examens. Vous l'avez joué. Dans l'article de la parasito, on traite le premier de dès que je termine la parasito, dans l'article de la et j'appuie sur Shift. J'efface. La parasito, on va en charger la microbiologie. Et à un certain moment, pour la majorité, ça va être une interaction. Alors c'est pour cela que j'ai dit ce mot. Donc c'est à vous de faire la part des choses. Je reviens, le conseil, quand vous avez des choses encore fraîches, lisez au moins de temps en temps les contre-raccords. Et vous soulignez, vous mettez au crayon, quand vous ne comprenez pas quelque chose, mettez la question, soulignez le mot. Donc voilà, parce qu'après, quand vous aurez à préparer la part raccord, bien que vous avez noté ce que vous n'avez pas compris, une question au crayon, vous avez souligné la phrase complètement. si les yeux rentrent juste avant l'examen, tu vois, avant chaque examen, je fais un coup de pied. Je vois, on pose des questions. On est parti. À ce moment-là, ça sera plus facile de poser la question. Et dès qu'il existe, que vous avez gardé, en tête. Est-ce que je demande de venir noter ici? D'accord? Je ne demande pas d'apprendre à papa coup maintenant. Vous savez, faites ce que vous voulez. Mais je vous demande de noter les points d'eau que vous n'avez pas compris au fur et à mesure. On est bien d'accord sur l'élimination? Vous notez, vous avez bien appris, vous avez l'élimination et Patrick, j'explique sans que vous preniez note, je redouterai, pour vous donner, je préfère, la différence entre les deux. Pour garder ces deux images, l'élimination et Patrick. Vous avez rien à le poids, le l'organisme, la détoxification, pour les molécules endogènes. Les molécules endogènes. Il va se comporter de la même façon pour les molécules exogènes. Il va essayer de détoxifier. Il va décrire de façon, et vous allez voir sur le plan court, on dit que le métabolisme des molécules exogènes est aveugle. J est simple. Mais tout est simple, vous ne savez pas ce qu'on fera là-dedans. Le résultat, il peut être bon et il peut être mauvais. Il est bon pour les molécules endogènes parce que le bon Dieu a codifié les choses de cette façon qu'il y a des enzymes spécifiques. D'accord ? De dégradation. Quand il y a une enzyme, elle est spéciale pour une molécule qui la détoxifie. Ça, c'est vrai. Mais pour les molécules exogènes, eh bien, il fait, hein, je m'excuse, le terme, c'est copier-coller. C'est une molécule qui ressemble à celle-là, il va déclencher une enzyme. Il fait du copiage. D'accord ? Et maintenant, copier, c'est comme nous. Comme chez nous. Vous pouvez avoir il fait la bonne réponse. Ou qu'il dirait là, vous cochez la bonne réponse. La canoa, à main. Je vous avise que maintenant, la pharmaco, quand vous aurez des sujets, vous aurez des sujets différents. Ne perdez pas de temps à copier sur la deck parce que vous n'aurez pas. Non, on n'aura pas les mêmes chances, mais non. Les sujets différents. Je vais éclairer mon commentaire. Quand je dis sujet différent. Quand je dis des sujets différents, ça ne veut pas dire que vous aurez des sujets différents. Non, c'est le même sujet. Sauf que la disposition des questions et des réponses, la A, c'est la D, ou la E, la D, ou la première, c'est la 17e, c'est la D, la D, la D, la D, la D, la D, la D, la D, la D, la D, la D, la D, la D, la D, la D, la D, la D, la D, la D, la D, la D, la D, la D, la D, la D, جيتي فيها فيش بس على الاخر قال لك واحد وجيو كيف كيف قالوا هذه ديجا تما راه شطلك كاسون تاعك مش كيما تاع الاخر جي او اللي فصح لك ترتي كيف كيف ما فيش شي كيف يا اخو plasmatique des médicaments, par quoi ? Par la dégradation. Vous avez une molécule A qui rentre, et quand elle ressort par le foie, c'est la molécule B. Tout phénomène qui continue à diminuer partiellement ou totalement la quantité de médicaments dans le compartiment est appelé phénomène d'élimination. Le métabolisme, vous rappelez, la phase descendante, j'ai dit métabolisme et élimination. Le métabolisme est considéré comme un phénomène biologique. Et on parlera de clearance métabolique. Clearance, c'est l'étoile. La clearance métabolique. Est-ce que tous les médicaments vont être dégradés? Non. Il faudrait qu'il y ait une certaine spécificité. Est-ce que une enzyme, très bien, c'est une activité. C'est une protéine. L'enzyme est une protéine. Donc n'importe quelle enzyme ne va pas prendre n'importe quel médicament pour la dégrader. Il faudrait qu'il y ait une certaine affinité. D'accord ? Et donc plus l'affinité est grande, plus la vitesse de dégradation est grande. C'est la logique. Deuxième mode d'utilisation, on parle de clearance intrinsèque. Cela signifie tout simplement que certains médicaments, au lieu de rester dans le compartiment plasmatique, ils vont rester dans le foie. Ils sont emprisonnés. Ils vont rester très longtemps dans les cellules hépatiques. Là, c'est une liaison sur les protéines au niveau des hépatocytes. Donc, du moment où ils vont être emprisonnés, d'accord, c'est une séquestration. C'est une forme d'immunisation. Voilà les deux principales modes d'immunisation. Et souvent, pour les médicaments, on exploite cette voie d'immunisation, surtout la voie intrinsèque. C'est quand on veut, quand on sait qu'une molécule a une très forte affinité vis-à-vis des hépatocytes, et là on la donne à quelqu'un qui est pathologique. Et bien, le lieu de séquestration est le lieu de traitement. En même temps, toutes les insuffisances hépatolinéaires sont, cette affinité est exploitée par un médicament lorsque son taux de demi-vie est bas et l'autre, elle a son médicament qui sont indiqués comme des pathologies.